saucisson. Allez, nique-tu les juments, nique-tu les poulets, il a fait les fricandos. Allez, il connaît son boulot, c'est pas un assassin, c'est un boucher chevalet. Allez, manger du cheval et manger du dauphin. C'est un marque.